Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Chronique dont j'ai donné pour titre « Où est la démocratie ?» La démocratie est-elle respectée, ou tout du moins les principes démocratiques sont-ils observés lorsqu'une majorité méprise l'opinion des citoyens et suscite le mécontentement du plus grand nombre ? La démocratie doit-elle être seulement élective et se traduire par une élection ponctuelle tous les 5 ans avec un régime présidentiel et une majorité qu'il faut qualifier de godillot? La question s'est posée dès l'avènement de la Ve République. La dite Ve République étant structurée par et pour un homme hors du commun qui fut le général de Gaulle. La Constitution, élaborée en 1958, correspondait à une situation de crise, la guerre d'Algérie et l'instabilité gouvernementale engendrée par la Constitution de la IVe République, où l'existence de l'exécutif était tributaire d'une assemblée législative sous l'influence de partis politiques, souvent antagonistes, où l'exécutif avait une vie éphémère, les gouvernements successifs étant renversés ponctuellement, leur pouvoir étant relativement limité, leur existence durant quelquefois que quelques jours. D'où la recherche permanente d'un consensus dans une assemblée nationale qui exerçait un pouvoir de censure permanente. Cette instabilité n'était certes pas propice pour bâtir des projets, une politique à long terme pour le pays et ses citoyens. La Ve République a remplacé le monopole des partis politiques sur la vie démocratique par le monopole d'un seul parti politique. On a gagné en stabilité, mais certainement pas en vie démocratique. Le président de la République devient ainsi un monarque élu pour 5 ans, renouvelable, sans limitation de mandat, précédemment 7 ans, la durée du mandat. Pas de quoi se gouser des institutions des pays à parti unique dans lequel l'opposition ne peut s'exprimer sans être réprimée ou ridiculisée. La séparation des pouvoirs, chère à Voltaire, est-elle réelle et efficiente en France? On peut en douter lorsque le président de la République détient à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ce dernier, par l'intermédiaire d'un parti politique présidentiel, qui est forcément à sa botte. Pour ce qui est du pouvoir judiciaire, il reste indépendant en théorie, mais tributaire de lois répressives pour les oppositions, votées par le Parlement, lui-même dépendant du pouvoir exécutif. La boucle est ainsi bouclée. Et la démocratie dite participative ne peut valablement s'exprimer en dehors de la rue, du quartier, des associations, avec une possibilité très restreinte, voire inexistante, surtout du fait que les médias sont très dépendants du pouvoir économique qui, lui, est bien présent et particulièrement puissant, avec souvent un lobbying intensif. De surcroît, nous assistons à un renforcement d'un pouvoir technocratique qui ne veut pas dire son nom, mais il est omniprésent à tous les niveaux. De quoi bloquer une expression populaire peu favorable à des réformes qui sont toutes des regrets et qui nous ramènent peu à peu à une situation préjudiciable à ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre et même au détriment de corps dits intermédiaires qui luttent pour leur survie et dont les effectifs se sont raréfiés. Ne sommes-nous pas entrés pour la France dans une ère de thatchérisme dans laquelle le conservatisme fait bon ménage avec un ultralibéralisme, un libéralisme, un néolibéralisme dit autoritaire? Ce que Sarkozy ou même Fillon, s'il avait été élu, n'aurait pas osé faire, c'est-à-dire faire reculer le social dans certains de ses aspects d'un demi-siècle, voire davantage. Est-ce que Macron ne le fait pas? Car enfin, il est inutile de nous bercer d'illusions. Macron, contre vent et marée, poursuit ses réformes régressives visant à détruire le social à la française et faire payer aux masses populaires, qualifiées à d'autres époques de France d'en bas, que faire payer les déficits dits publics qui sont la plupart du temps artificiels, puisque provenant d'un manque de financement, tel, pour exemple, celui de l'hôpital public. Il y aurait beaucoup de choses à dire qui dépassent le temps d'une chronique. Toujours est-il qu'il serait bon de se poser la question. Un président peut-il durablement gouverner contre son peuple ? Transformer en sujet, diront certains. Certes, les institutions de la Ve République lui en donnent le pouvoir. Mais n'est-ce pas dangereux pour une démocratie ? Surtout lorsque ce pouvoir est entaché de violences policières générées par l'excès de pouvoir et l'autisme vis-à-vis de l'expression des citoyens. Voilà de quoi méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.